Max. Salut, c'est Max. Bah écoute, apparemment, j'ai envie de te parler. Moi, je te dis une chose, Lascar. Tu vois, t'arrêtes d'appeler sur le portable incendie, parce que ton numéro, demain, il est transmis au commissariat de police. Et sur Internet. Et sur Internet. Et sur Internet, ils ont pas fini de t'emmerder. Ouais. Et donc, on va s'amuser. Voilà. On va s'amuser avec toi, Lascar. Bonne bourre. Bonne bourre à toi, espèce de petit con. C'est quoi ce remix encore là, sur moi? Ouais, bah non, mais tu vois, Pildar. Qu'est-ce que là? Non, non, attends, Pildar. Là, il y a. Oh, qui c'est qui a un portable? C'est Sandwich, mais elle a que ça. Ah non, ah non. Moi, dans ce cas-là, moi, je fais pas des débats avec des portables. D'accord. Ah, bah, c'était bien prévu. Mais genre, regarde, là, déjà, ça commence. Bon, tu commences pas, toi. Bon, tu commences pas, toi, d'accord? Et là, ça commence à bien faire. Tu peux expliquer? Ouais, bien sûr, parle à mon cul, ma tête est malade. Non, non, mais attends, je suis pas ton petit Gérard, d'accord? Vous allez pas me casser les couilles maintenant. Et puis vous allez arrêter de redipler comme des porcs. Bon. C'est moi qui commande. Bon, alors tu dégages. Moi je peux dire une chose. C'est quand t'as des amis, tu as de l'argent, et quand t'as pas d'argent, tu n'as plus personne. Donc tu te démerdes toi-même. Donc ça veut dire. Bon, allez, vous arrêtez là, parce que vous commencez à me casser les couilles. D'accord, d'accord. Ok, je vois à peu près ce que tu veux me dire. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Combien dépensez-vous d'argent par mois? Donc 50% dépense plus de 100 000 euros. 20% dépense moins de 3 francs. 5% pense que Gérard de Suren gagne de trop. Alors ça. Hop, et celui qui s'amuse derrière à dire des conneries, arrête! Ok, va te faire foutre. C'est bon pour... Tu me fais bander, tu me prends quelqu'un d'autre. Attends, Pildar, tu me fais du bon boulot. On avait fini la cinquième comme hippo. Bah c'est impeccable, vas-y, j'ai. Tu sais qui veut répondre à ma place, là? Ça y est, je l'ai viré, j'ai. Non, mais là, tu vas pas commencer, toi. D'accord. Mais là, vous me faites du bon boulot parce que pour l'instant, vous commencez à me... Allez, comment?